dimanche en après-midi. Avec ménage, moi, mais dans la main, nous t'a promené. Un arrivé au bord de mer, vivait mes poches, moi, dit coquillage. Pour nous, chita, gagne des belles villages. Le nom fatigué, la lentille, côté pour la vie. Le nom et l'amour, si côté pour la dégager, nous pouvons. Après-midi, avec ménage, moi, mais dans la main, on t'a promené. De nous guider au bord de mer, tu veux mes poches, je me dis coquillage, pour nous chita, garde des belles villages. Le nom fatigué dans l'antipoté pour la dégager. Le nom vie d'amour, si côté pour la dégager, nous pouvons pas. Oui, ça qui te dirait la maison, ton vivre dans les yeux, moi, mes amis. Le bon man a pas ici. L'alve ou l'ilalve, c'est moi, mais les mots de vie. Moi, mais pas que moi qui dévoué. Moi, ta couillon bête qui désolé. Mais comment s'en toucher? Ne va pas chez compagnon. mais comment sorti ou chéri, tu qui en sorti ou là, tu qui en sorti ou là, bon tu qui en sorti ou là, sorti là, sorti là. Pas pour ma chérie, pas pour ma chérie.